إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، هذا الجزء الثاني من الأسئلة التي طرحت على شيخنا محمد ابن حزام حفظه الله تعالى بما يتعلق بأحكام صلاة العيد. كون بوسو دوزيام بارتي اي دانيير ان شاء الله دي كيسيون كوتي اكسبوزي يا شيخ محمد par rapport aux règles de la salat du Eid. On avait expliqué que c'était valable pour les deux salats, pour les deux Eid, Eid al-Fitr ou l'Adha. Et quand il y a une distinction à faire, on l'a fait, Inch'Allah. Sinon, il y a celui qui veut connaître les règles, Ahkam, Eid al-Fitr ou l'Adha, c'est la même chose. Su'ila, ma yata'allaku bi sifat salat al-Eid, hel yujhar fiha bil kira'a am yusar? Donc en ce qui concerne la description de la salat du Eid, est-ce qu'elle est à voix haute ou à voix basse? Elle dit qu'elle est à voix haute, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi de la sorte. Et comme on l'a pris dans le hadith de Norman ibn Bashir, dans Sahih Muslim, « Qala, qara'a al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, bisabbih bismi rabbika al-a'la, wa hel attaque hadith al-awashiya. » On l'a pris hier, que dans le hadith de Norman ibn Bashir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Al-A'la ou lisait Al-Ghashiyah. Donc sa voix elle était haute. On entendait sa voix. Car à la base dans les salades de jour, c'est à voix basse. Hal jaa 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qara'a fi salat al-Eid bi ghayri hatayn suratayn. Est-ce qu'il a déjà été rapporté de lui sallallahu alayhi wa sallam qu'il a resté autre que ces deux sourates? Il dit dans la première rakat, il a déjà resté surat Qaf. Dans la deuxième, Al-Qamar. Dans le hadith de Abu Waqid Al-Laythi dans Sahih Muslim. Donc c'est Mustahab également. Thumma su'ila maza idha qara'a bighayrihima hal yujza? Que se passe-t-il s'il lit autre que ces sourates-là? Est-ce que cela est valide? Il dit na'am. Ça c'est juste mbab al-istihbab. C'est juste recommandé pour appliquer la sunnah. Ah bah maintenant, il regarde également la situation des gens de la masse, des awam, et que si jamais il choisit des sourates qui sont courtes, il n'y a pas de mal. Par exemple, il voit qu'il fait très chaud ce jour-là, ou qu'il y a une situation qui fait qu'il faut qu'il aille vite, mathalan, il peut prendre des sourates plus courtes. Il y a juste là. Mais si il voit que ce sont des gens qui tiennent la sunna, et que l'umur tayyiba, il fait selon la sunna. Mais même s'il faut autre chose, ma vijé. Ce qui est un rokn, c'est الفاتحة. ثم سئل كم عدد التكبيرات في ركعة الأولى وفي الثانية؟ كم عدد التكبير est-ce qu'on fait dans la première rakat et dans la deuxième? Il dit 7 تكبيرات dans la première et 5 dans la deuxième. Comme cela fut rapporté dans le hadith de Amr ibn Shu'aib عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة أن يكبر في صلاة العيد في الأولى 7 وفي الآخرة 5. Et après on récite. Que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il fait partie de la sunnah de faire, dans la salat al-Eid, de faire 7 takbirat dans la première raka'at et 5 dans la deuxième. Après c'était un khilaf qui est entre les ulama, est-ce que takbirat al-Ihram fait partie des 7 et des 5 ou c'est en plus? Ou est-ce que c'est en plus? Ici c'est un khilaf par rapport à ça. Et il donna un athara de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma qui dit que yani le takbirat al-ihram est compté parmi les 7 ou les 5. طيب donc il dit le amsah fi hada ma fi mushkila. Si quelqu'un par exemple voit un autre avis, c'est pas grave, car lui il voit que si on regarde bien dans le hadith qu'on vient de citer de Amr ibn Shu'aib, il dit de la sunna fait partie de faire 7 takbirat pour la première rakat et 5 pour la deuxième. Donc il dit en apparent de ce hadith, on pourrait croire que ce serait 7 takbirat autres que l'ihram. C'est l'apparent du hadith. Il dit mais la sunna et le takbirat et l'ihram, c'est un rokn de la salat, c'est pas une sunna. C'est une chose, si jamais tu l'oublies, ta salat peut être bâtie ou ça juste de ça à faire. Mais il dit comme on a affaire de sahabi, c'est long, on a mal bé. car c'est pas le hadith, il n'est pas clair, clair, clair. C'est un hadith clair. Le kalam du sahaba, on ne met pas en avant sur un hadith. Mais là, comme c'est muhtamal, on peut dire ceci ou cela. Et qu'en plus, maintenant, on a un kalam de sahabi, parmi les grands sahaba qui éclaircent le sujet, on prend son kalam à lui. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un demain, il en fait 8 takbirat, on peut le tomber dessus en criant, oh, c'est 7. Il va se dire, oui, 7 sunnah, mais le premier que j'ai fait, c'était le takbirat al-ihram, et les 7 autres, c'est la sunnah. Faut pas s'imaginer qu'il a oublié, qu'il s'est trompé. Ça se trouve, lui, il a un avis, il voit que c'est pas comme ça. Il a dit l'homme sahl jiddan. ثم سئل ماذا يقال أو متى يقال دعاء الاستفتاح بعد التكبيرات السبع أو بعد تكبيرات الإحرام. À quel moment on fait le دعاء de l'استفتاح, le دعاء d'ouverture? Est-ce qu'on le fait après, à la fin des 7, ou après تكبيرات الإحرام qui serait le premier? Il dit qu'on le fait après تكبيرات الإحرام, car c'est ça l'origine. On le fait en début. Une fois que le دعاء a été fait, tu rajoutes les 7 autres ou les 6 autres. Ça dépend comment toi tu vois la chose. Souila, famaza yaqulu bayna kull takbiratayn. Qu'est-ce qu'on dit entre chaque takbirat? Il dit que certains fuqaha, des gens du fiqh, ils voient qu'on fait le takbir. Allahu akbar, kabiran, walhamdulillah, kathiran. Lakin, cependant, il dit qu'il n'y a pas de texte là-dessus qui soit venu. D'accord? Donc, le meilleur, c'est qu'il se taise. Il n'y a pas de doa, en fait. Il n'y a pas de preuve qu'il y a un doa entre chaque takbir. Il dit man adraka al-imam wa qad kabbara arba'a aw khamsan aw khams takbirat. Que maintenant celui qui rattrape l'imam, c'est-à-dire il arrive un peu en retard, et que l'imam a déjà commencé les takbirat. Comment il fait? Il dit d'abord, il fait takbirat al-ihram, la première, pour lui-même. Ensuite, il suit l'imam. D'accord, il suit l'imam. Là où l'imam il est arrivé, il fait comme lui. S'il en reste 2, il en fait 2. S'il en reste 3, il en fait 3. Akada. Car ces takbirat, elles sont mustahabba, elles ne sont pas wajiba ou voilà, arkan. Voilà, et les alika. Mais là, je n'ai pas bien compris sa réponse. Est-ce qu'il dit que tu rajoutes? On se contente? C'est pas. J'ai pas compris. Allah a'lam. Thumma su'ila. الركعة الثانية مع الإمام كم ستكبر مع الإمام في الثانية يعني منو tu rentres dans la salate pour la deuxième rakat. تمام. Après l'imam il est terminé, toi tu te relèves, tu continues. Dis combien tu fais dans ta deuxième rakat à toi, combien tu fais? Il dit il fait 5. تمام, il fait 5, car pour lui c'est là qui vaut la deuxième rakat. Ça, il fait 5. La Dourlema, il voit que celle que tu fais, c'est tu rattrapes celle que tu as ratée. Mais en fait, non. Il y a un khilaf là-dessus. Comme demain, tu fais une rakat, tu rentres dans le masjid, dans cette jama'a. Et par exemple, tu rentres dans la deuxième rakat. C'est une salade de 4 rakat. La salade, c'est vor. Toi, tu rentres dans la deuxième. D'accord? Donc après le tashahoud final, taslim, tu te lèves pour la première qui t'a manqué. Le ulama dit ce que tu fais là, elle équivaut à ta quatrième en fait. Le ulama dit non, ça équivaut à ta première que tu as ratée. Donc tu relis une salat après le fatiha. Et cet avis là, il est faible. À la couline, il est amsahl. Un amshi, c'est que tu es lui le fatiha. Su'ila, law salla al-eid bidun takbirat, hal tasah al-salah. S'il fait la salat du eid sans faire le takbirat, est-ce que sa salat elle est valide? Il dit naam, elle est valide, car on a expliqué que le takbirat c'est mustahabba et non pas wajiba. Également, si jamais il venait à l'oublier, il en oublie une ou deux ou trois, ou il n'en a fait aucune, il n'a pas à faire ce jeu de sahou. Il n'a pas à le faire. Ce jeu de distraction à la fin, il n'a pas à le faire. Ma'adha an raf al yadayn fi kulli takbira. Qu'en est-il du fait de lever les deux mains à chaque takbir? Il dit, cela n'a aucune preuve à l'appui du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ni même des sahaba. Plutôt même le contraire, qu'il est expliqué qu'il a fait le takbirat, il n'a pas été dit qu'il levait les mains. À part pour le premier takbir. Après le reste, il n'y a pas. Et certains, ils ont fait quoi le qiyas? Ils ont fait une analogie avec le fait d'Ibn Omar dans Salat al-Janaza, que lui levait les mains pour chaque takbir. Donc ils ont fait un qiyas entre les deux pour dire même celle-là aussi tu le fais. C'est un qiyas, tu vois. Un qiyas, on a dit des fois, fi nazar. C'est pas une hujja en soi qati'a. Yani, faut voir quel genre de qiyas c'est, il faut voir sur quoi il est basé. Donc il dit le sahih, c'est de ne pas faire de. C'est de ne pas lever les mains. Tu es content de faire le takbir et tu ne lèves pas les mains. Il dit même dans la janaza, sur la janaza, il dit le plus proche de la sunna, c'est de ne pas le faire non plus. C'est de ne pas le faire non plus. Hal yukabbar athna la khutba sab'a aw tis'a aw 11. Est-ce que pendant la khutba, il fait le takbir 9 ou 7 ou 11 fois? Il dit que certaines personnes ont dit qu'il fallait faire le takbir même pendant la khutba. Athna la khutba. Mais il n'y a pas de dalil remontant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et plutôt que lui, lorsqu'il a fait sa khutba, il est fut rapporté qu'il a commencé en faisant l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas en faisant le takbirat. Et il dit maintenant, par contre, si lors de ce sana à Allah, il n'y a que quelques takbirat qui rentrent sans takallouf, il dit la baisse. L'imam, par exemple, il fait le sana à Allah, et en même temps, il fait les takbirat, masalan. Mais sans, tu vois que c'est pas takallouf, c'est akada, mal machi. Il dit la baisse, ma fiché, inshallah. Ma fiché, inshallah. Et il dit que si jamais certains le font, c'est probablement qu'ils se sont basés sur un hadith qui était affaibli. Donc on ne fait pas. On ne peut pas les blâmer vraiment. Car ça, c'est mahal ijtihad. Tu vois, c'est masalat ijtihadiyya. Quand il y a un hadith, est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il est authentique, est-ce qu'il est hassan, al-zalika. Et après, tu fais un hukm dessus. Qui a dit que la plupart des fuqaha, ils n'ont pas la science du hadith. Donc eux, ils prennent un hadith comme ça qu'on leur a donné et ils font un jugement dessus. Alors que les hadiths, eux, ils savent si le hadith il est valable ou pas. والنعمة أن يكون كما قال ليس كل فقيه محدثا لكن كل محدث فقيه. Car ce n'est pas tout faqih qui est muhaddith. Par contre tout muhaddith est forcément faqih. Car il passe son temps avec les hadith. Et en plus de cela, il sait c'est quel le hadith qui est authentique de celui qui ne l'est pas. Alors que le faqih, il ne sait pas. Parce qu'il va prendre un hadith qui est maudou ou qui est d'arif jiddan ou quoi, il va faire un jugement dessus. Alors que le muhaddith, lui, il sait le hadith qui est bon ou qui n'est pas bon. Et après, en étudiant le hadith, ils vont sortir des règles. Ils vont sortir des règles. Car souvent les gens ils me disent, ouais, il faut l'aide muhadith, non, faqih. Lui, c'est un muhadith, pas un faqih. On dit, à partir du moment où c'est un muhadith, c'est un faqih. Car le hadith avec lequel tu extrais des règles, passe par lui d'abord. Donc forcément, lui, on étudie le hadith. Maintenant, t'en as, ils sont plus afqah min aïdihim. Certains, ils ont plus de fiqh. Plus de confrontation que d'autres. Tu vas retrouver des ulama, ils vont comprendre plus de choses du hadith que d'autres. Ça, c'est minallah. Tu as des gens comme ça, ils ont un ziyadat fadl fil fahm minayilihim. Et il dit également parmi les grandes sunnah qu'il faut revivifier, qu'il ne faut pas abandonner, c'est que les gens, parmi les sha'air du Eid, parmi les emblèmes du Eid, c'est que les gens restent du fajr jusqu'à salah à faire le takbir. Et ils lèvent leur voix. Jusqu'à ce que l'imam il arrive. Et également, comme on l'a expliqué hier, comme on l'a dit hier, ne pas s'efforcer de faire en cœur. Que tout le monde le fasse en même temps. Chacun, le kabbir bin nafsi. Après qu'on a expliqué, si jamais ça venait à coïncider ensemble, sans que ce soit été fait volontairement, ma vigile. Toujours, il cite parmi les sunnas également du Eid, que la personne prenne un chemin et pour revenir, prenne un autre chemin. Là, c'est mustahab. Comme cela fut apporté de Omar radiallahu anhu. Anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam khalafa al-tariq. Qu'il a pris un autre chemin. Il cita aussi parmi les sunan à ne pas négliger pendant l'Aïd, c'est d'avoir des vêtements nouveaux. Et des beaux vêtements. De s'embellir. Que les gens, cela devienne leur coutume. Soit tu achètes un nouveau vêtement. Mais si tu ne peux pas, tu prends le plus beau vêtement que tu as. Pour l'Aïd. Naam. Et être propre, parfumé, rien de zalik. Et il dit que cette sunna s'applique pour l'Aïd, pour le Jumu'a, et aussi lorsqu'il y a une délégation qui vient, par exemple une personne importante, que des gens qui viennent, مثلاً tu dois te faire propre pour eux. Ça fait partie de la sunna. Même les douyouf, invités qui te viennent, que tu mettes des beaux vêtements. Souila, maza yasnahu alladhi yab'ud alayhi al-musalla wa yashuqu alayhi. Comment fait celui dont le musalla est loin de sa maison? Il a du mal à y aller. Il dit, si jamais il a du mal à y aller, et qu'il est dans un village, parmi les villages un peu perdus, un peu loin, pas de mal qu'il fasse sa salat dans sa maison. Par exemple, il rassemble ses enfants, et il fait salat al-Eid avec eux. Et si jamais il a la possibilité de faire une khutba, même simple, il l'a fait lui-même. Le père pour les enfants et la femme, par exemple. Il l'a fait lui-même. إذا أدركت السجود في ركعة الثانية وجاء ناس آخرون وجعلوك إماما. Par exemple, tu fais salat, les gens arrivent en retard. Ou plutôt toi, tu arrives en retard à la salat, tu as réussi à rattraper le sujoud avant qu'il t'aslime. Avant qu'il t'aslime, il s'est relevé. Et là, des gens arrivent derrière. Ils veulent leur faire imam, qu'il soit imam pour eux. Et est-ce qu'il a le droit? Elle a dit, non, il n'y a pas de mal. Par contre, si jamais ce sont des gens qui, comme toi, sont arrivés au même moment que toi, c'est-à-dire qu'ils ont rattrapé la salat, après, chacun finit pour lui-même. C'est pas qu'ils viennent derrière toi. Ils font le moumoun derrière toi. Ça, il n'y a pas. Et ça, c'est pour des gens qui ont tout raté. Toi, tu te relèves, ils viennent derrière toi, faire, tu fasses même pour eux. Elle a dit, il n'y a pas de mal par rapport à ça. Su'ila, idha nama wa lam yudrik as-salat, hal yusalli munfaridan. Il a dormi, il a raté la salat du Eid. Est-ce qu'il la rattrape tout seul? C'est quoi la réponse? Naam. Et il fait comme ça du Eid. Il se lève, il fait l'oudou, il fait 7 takbirat pour la première rakat et 5 pour la deuxième. Su'ila, hal qabla as-salat, hal qabla as-salat al-Eid ou ba'daha sunnah? Est-ce qu'après la salat ou avant, il y a une salat de sunnah à faire? Il dit non, il n'y en a pas. وجاء عن عبد الله بن عباس في صحيحين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ابن عباس رضي الله عنه apporta que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait la salat du Eid, il a rien fait avant ou après comme salat surrogatoire, يعني lié à la salat du Eid en fait, il y a pas de ratiba. وسئل لو انه رجع بعد العيد الى المسجد وصلى الضحى فهل عليه شيء ou Ali Bas. Dit que maintenant, après la salat du Eid, il revient au Masjid. Et là, il fait le Doha. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un problème à ça? Il dit non. S'il fait Niyah du Doha, et non pas que ce soit une Niyah de Ratiba de salat al-Eid, c'est pas une salat qui est attachée au Eid en soi, c'est le Doha Moustaqil. Il a dit, il n'y a pas de problème. La Bas. وسئل هل يجوز جمع نية الضحى مع صلاة العيد؟ Est-ce qu'on peut lier entre la niya de faire le duha et l'Eid? Ma wa al-jawab? لا. On ne peut pas le faire. Car صلاة العيد واجبة والضحى نافلة. ذات سبب كذلك. إذا نام متعمدا وترك صلاة العيد. Il a dormi volontairement en délaissant صلاة العيد. Qu'en est-il? Il dit qu'il prend un péché. Car on a pris le jugement que la salat du Eid est le wajiba. On avait pris ça dans les Doulos, que la salat du Eid est le wajiba. Donc celui qui la délaisse volontairement, sommeil ou autre chose, sans excuse, lui il prend un péché. Naam. A la qul biman yara bil wujub. Parce que ça, il voit que c'est pas wajib. Il voit que c'est fard kifa'i. Idha nama an salat al fajr ولم يصليها واتت صلاة العيد. Que par exemple, il a dormi au Fajr, il ne s'est pas réveillé. Il se réveille, c'est la salat du Eid. Qu'est-ce qu'il fait? قال يبدا بالفجر. Il commence par le Fajr, اولا. Car c'est une salat qui est afrad. Elle est encore plus obligatoire. Et à la base, elle a un waqt mudayyiq. Donc il commence par celle-là. Lorsqu'il s'en rappelle, lui il fait le Fajr. Et après, il fait l'Eid. Hal yaqoum al-khatib ala al-minbar am yakhtub bidun minbar. Est-ce que le khatib, celui qui fait la khutba, يعني lorsqu'il fait la khutba dehors dans le musalla, il le fait sur minbar ou sans minbar. Il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait la khutba debout sans minbar. Donc c'est ce qui est mustahab, c'est que le khatib pour le Eid ne fasse sans minbar sa salat, ou plutôt la khutba la fasse sans minbar devant les gens. Par contre, dans le Sisqa, il a sorti le minbar, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La demande de pluie. Mais le Eid, il n'y en a pas. Donc cela, le fait qu'il est sorti pour le Sisqa et qu'il n'est pas fait pour le Eid, ça montre qu'il a fait volontairement. Et il dit qu'il est recommandé pour le Khatib qu'il fasse face aux gens. Et que les gens, une fois qu'ils aient fini la salat du Eid, ils restent à leur place. Pour écouter le Khatib. C'est pas qu'ils s'avancent. Chacun reste à sa place. On a fait salat. كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال قام إلى الناس والناس ولا صفوفهم que le Nabi صلى الله عليه وسلم a fait face aux gens et les gens sont restés dans leur rang. Les gens ne bougeaient pas. Donc là, il ne convient pas aux gens de s'avancer, de bouger de leur place. Ils restent comme ils sont. Et il fait face à l'imam. هل للعيد خطبة أو خطبتان؟ Est-ce que l'عيد il y a une seule خطبة ou deux خطبة? Il dit, la vie authentique, c'est qu'il n'y a qu'une seule khutba. Qu'il n'y a rien d'authentique qui soit rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ait fait deux khutba. Il fut rapporté que dans le Eid, dans le Jumu'ah, il ait fait deux khutba. Également, il y en a, ils ont pris qu'il y avait deux khutba du fait que, lors d'une salat du Eid, il avait pris Bilal avec lui pour aller chez les femmes. Et que de là, il aura refait la khutba pour les femmes, il aura parlé à part. D'une part, cela est expliqué du fait que les femmes n'avaient pas entendu la khutba. La première qu'elle avait faite. Elles n'avaient pas entendu, donc il est parti pour les voir, pour leur reciter la khutba. Et c'est fait une khutba, il y en a assez brève, courte, dans laquelle il les a incités à faire sadaqa. À la base, c'est qu'il y a une cause qui est partie les voir, elles n'entendaient pas. Donc ce n'est pas deux khutbas, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, alhamdoulilah, avec les micros, tout ce qui est enceinte, tout le monde entend, donc il n'y a pas besoin de faire de khutba, d'aller voir les femmes par la suite, d'aller leur parler. Donc en réalité, il y a un khilaf, et la parole authentique, c'est une seule khutba pour le Eid. Et parmi les ulama qui ont cette avis-là, tu as Cheikh Al-Othaymin, Cheikh Al-Albani, ou Cheikh Mokbil. Rahmatullah alayhi. Et la khutba, bien évidemment, il est mustahab qui commence par Alhamd wa Thana, qui loue Allah et qui fasse son éloge. Il fut interrogé par un truc qu'on a déjà pris hier par rapport au fait d'écouter la khutbah, est-ce que c'est obligatoire ou pas. On a expliqué que la khutbah, c'était pas obligatoire à la base. C'est une sunnah. Par contre, il dit si les gens écoutent la khutbah, ils se taisent. Ils n'élèvent pas leur voix. D'accord ? Ils n'ont pas à parler en tant que l'imam. Mais ce n'est pas comme la khutbah du Jumu'ah. La khutbah du Jumu'ah, si tu parles en tant que l'imam, ta khutbah, elle est annulée. Là, c'est pas pareil. Si tu as parlé avec quelqu'un pendant que le khatib il parle, il n'y a rien. Mais fais attention de ne pas gêner les gens. Parce qu'à la base, c'est mustahab, c'est pas wajib. Et il dit, par contre, ceux qui délaissent la khutba, yani rahbatan an sunnah, pour délaisser la sunnah kada, on craint pour le péché. Maintenant, s'ils la délaissent parce qu'ils sont pressés, ou par fainéantise ou autre, ça c'est autre chose. Mais celui qui la délaisse, par exemple, il ne veut pas de la sunnah, il ne veut pas de la khutba parce qu'il n'aime pas ça. Il sait que c'est une sunnah et par rapport à cette sunnah, il ne veut pas la faire. Lui, on craint pour lui le péché. Ça vient à son attention. Qu'en est-il de faire le dua pendant la khutba? Dit à la base, le dua en tout temps, c'est mustahab. قال ربكم دعوني استجب لكم. Allah dans le sens où il dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Par contre, il ne faut pas qu'il la spécifie pour une chose particulière sans preuve. Mais il peut faire du'a de façon générale à chaque occasion. Pour la khutba du Eid, pour celle du Jumu'a, bien que celle du Jumu'a, Shayyaha dit le fait de faire tout le temps le du'a, c'est pas sunnah. Tu en as par exemple à chaque fin de khutba du Jumu'a, font du'a, plein de du'a, ils lèvent les mains. On dit, c'est pas sunnah. Si tu fais de temps en temps, là, baisse. Ou s'il y a une raison, il y a une occasion, il y a un événement qui amène à cela, là, ben, ça m'a tout le temps de te dire s'il ne fait pas de doha, ma khutbah n'est pas bien. On dit non, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il n'a pas fait de doha à chaque khutbah. Mais de temps en temps, si tu le fais là, ben, c'est ma fi ma'ani'a. Ou même une muhadara, à la fin d'une muhadara, une conférence, tu fais de doha pendant la conférence. Par exemple, tu dis une parole, après tu fais de doha pour les gens. Hazam a fiché. Ce qu'il faut éviter, c'est de spécifier la chose. Et de s'imaginer qu'il y a une condition, qu'il y a une sunna en soi. Ça, non. Et en ce qui concerne le sujet de la khutbah, il dit tu choisis le sujet qui est approprié au moment. En général, les sujets les plus à même d'être abordés, c'est le tawhid et l'adoration, notre garde contre le shirk. Que lui, il dit également de mettre en garde contre les koufars et d'éclaircir leurs dangers et les moyens qu'ils utilisent pour pouvoir dominer les musulmans, même chez eux. Faire attention à ça, de ne pas leur ressembler. Faire attention aux fitan, de façon générale, les troubles de façon générale. Et de d'éclaircir leurs causes, leurs conséquences, et comment les éviter. Tout ça. Ou même également, il dit, le fait de parler de, par exemple, l'obligation de la salat. Car il dit, certains parmi les awam, ils viennent là, et ils font jamais la salat. Ils viennent juste pour l'Aïd. Là, c'est l'occasion de pouvoir aborder le sujet. D'aborder le danger. D'évoquer le danger du descendre dans la salat. Mais que Shir, lui, il voit que Tariq al-Salah, Rel Jahid, ma yakfor. Shab al-Hizan, il voit ça, lui. Su'ila, Hel Yajouzou, l'Nisaï, en Yadribna, Bidouf, Yom al-Aïd. Est-il permis aux femmes de taper du douf le jour du Aïd? Il dit, Naam, cela est permis. Mais faire attention que ce douf ne soit pas accompagné de. Comment on dirait ça? Des petites cymbales sur les côtés. C'est juste le douf, c'est-à-dire c'est juste le bois et la peau. C'est tout. Il est ouvert derrière. Si je ne me trompe pas. Comme dans le hadith où que Yannick avait des jeunes filles qui tapaient du douf. Chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abou Bakr est rentré et il les a blâmés. Il dit comment? Il a sonné le shaitan chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit da'unna ya Abou Bakr. Fa'inna likulliko min idan wa za'iduna. Il dit, laisse-les, Abou Bakr. Chaque peuple a un Eid, une fête. Aujourd'hui, c'est notre fête à nous. Donc laisse-les, il n'y a pas de problème. C'est permis. Par contre, c'est interdit de quoi? Instrument de musique. Ce qui est permis, c'est juste le douf. Et juste pour les femmes, pas pour les hommes. Juste pour les femmes. Et également, si jamais les femmes venaient à chanter avec le douf, il ne faut pas qu'on entende leur voix à l'extérieur. Ah, mais les hommes, eux, ils ont le droit de jouer, comme le font les Habasha, dans le masjid avec leur lance. Les hommes, ils ont le droit de jouer des jeux, tant que cela ne ressemble pas au koufar, ne dépasse pas les limites, n'amène pas à la violence, n'amène pas à certains mauvais comportements, ils disent c'est permis également. Par exemple, un peu de lutte, la baisse, mais de façon fraternelle, bien entendu. Bah, tu viens, tu lui casses le bras, ou tu lui fais une prise, je sais pas, après le frère, il sort, il a une entorse, il a. Non, tu fais attention. La lutte, par exemple, le fait d'allonger le frère au sol, celui qui a mis l'autre sur le dos par terre, par exemple. Comme les frères Zadémé, je te rappelle. Par exemple. Et le dalil, c'est le hadith des Habasha, des Éthiopiens qui jouaient, des Abyssins qui jouaient avec leur lance dans le masjid. Donc attention, au jour du Eid, de ne pas dépasser les limites avec les fêtes, de ramener un orchestre, d'amener des chanteurs. Tout ça, c'est haram. Il n'y a pas à le faire. Il n'y a pas à le faire. Mélanger les hommes et les femmes parmi ceux qui ne sont pas des maharim, c'est pas permis. Voir les zalika. Il a également parlé des pétards. Comme c'est le cas ici, c'est le fléau. Le jour du Eid, c'est les pétards, ici. Il dit que le pétard, c'est tout ce qui est pétard, fusée, feu d'artifice, tout ça, sont des choses qui font perdre l'argent, gaspiller des argent, ça ne sert à rien du tout. Et également, ça fait peur aux gens, les bruits. Le bruit d'un pétard, ça peut faire peur à quelqu'un. Donc il dit, mais ajouz. La yahil le muslim, il n'est pas permis au muslim de faire peur à son frère, au muslim, de l'effrayer. Et nous, on voit également, par rapport à ça, on avait cité le sujet à Cheikh Yahya, que c'était Shabbat le Koufar, comme ils font par exemple le 14 juillet. Ils font les pétards. Donc les musulmans, c'est bien qu'ils ont pris ça, à la base. Parce que lui, dit Cheikh Ibn Hizam, maintenant, c'est un petit truc, un petit pétard, tout bassette, qui n'a pas coûté grand-chose, et qu'il n'y a personne, si l'enfant il le pète, il a dit c'est pas grave, c'est pas un problème. Les chiens pendant les fêtes, les koufars, comme le 14 juillet ou quoi, ils font péter les pétards exprès ce jour-là. Parce que c'est une fête. Il a dit, bah, c'est ça, alors yutrak. La trouve fait tachabobi. Parce que ça, à la base, c'est pas une coutume qu'on a. Faire péter les pétards. Eux, oui. Faire l'artifice, pétard, kada, kada, ça, c'est leur coutume. Donc le fait de le prendre un jour de fête comme eux, tu leur ressembles. Fahim ta? Maintenant, faire péter un pétard en soi, à un moment, il n'y a personne, c'est pas haram. C'est moubah. Mais les prendre et les spécifier pour le jour du Eid, le jour de la fête, là, on leur ressemblera en faisant cela. Donc, il met en garde, il met l'accent sur le fait de ne pas faire des jeux qui amènent à un gaspillage d'argent ou qui amènent à des détériorations matérielles ou à faire peur aux gens. Il dit également, tu as des gens, le jour du Eid, ils se mettent en ligne et ils serrent la main. Il dit, cela, c'est à délaisser. Cela ne fait pas partie de la sunna. Un truc qu'on rajoute, qu'il n'a pas cité, c'est tahni'a, le fait de faire les félicitations pour l'Eid. Taqaballahu minna wa minkum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'y a pas de preuve qu'il l'ait fait. Certains sahaba l'ont fait, et il fait rapporter de l'imam Ahmed qui l'ait dit, moi je ne commence pas, je ne le fais pas en premier. Si quelqu'un me le fait, je lui réponds. Donc de là, les ulama, ils disent que tu ne commences pas avec. Mais si quelqu'un te le fait, tu lui réponds. Et si quelqu'un le fait, m'a affiché, on ne le blâme pas. Mais ne pas s'imaginer que c'est une sunna, en soi. Là. Et dernier point qu'il évoqua, le fait que des gens voient qu'il est obligatoire le jour du Eid de faire les visites parentales de la famille. Il dit non, ça tu peux faire n'importe quand. Maintenant, spécifier l'Eid pour ça, il n'y a pas de dalil. Si tu y vas, comme tu vas dans ton habitude, m'afficher. Maintenant, tu te dis c'est l'Eid, obligé, il faut que j'y aille. Ça, c'est pas. Il n'y a pas de dalil là-dessus. Et tu as des gens, même tu ne veux pas les voir le jour du Eid, ils boudent, ils ne sont pas contents. On dit, il n'y a pas à être content. Parce qu'il est venu te voir hier. Et peut-être qu'il va venir te voir demain, Inch'Allah. S'il ne vient pas te voir aujourd'hui, affiché. Le Eid, ce n'est pas une fête comme les gens ils disent. Comme ils disent souvent, en France, je me rappelle, ils disent souvent, Ramadan, c'est un mois de la famille. On dit, où vous avez pris ça que c'est un mois de la famille? C'est un mois de la famille. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justement, il s'isolait, faire l'irtikaf, l'ibada la nuit. Quel mois de la famille? C'est un mois d'ibada. Pas moi de la famille. C'est les oppressions d'Afrique des Koufars. Comme Noël, c'est le jour de la famille, Kaza. Donc le Ramadan, c'est le mois de la famille. On dit, c'est où qu'a dit que c'est le mois de la famille, le Ramadan? C'est un mois du Coran. Pour le Coran, faire des ibadas pour Siyam. C'est pas moi de la famille en soi. Ta famille, tu la vois comme les autres jours. Et même à la fin, il a rouaché, tu t'isoles pour faire l'irtikaf. Donc tu les vois plus. Donc quel mois de la famille? Parce qu'ils disent le soir, quand on fait l'iftar, on se réunit autour d'une table, Kaza et Kaza et Kaza. T'as le droit de le faire. Mais dire que le Ramadan c'est le mois de la famille, ça, il n'y a pas de dalil, c'est pas vrai. À la charge, le Coran plutôt. C'est le mois pour le Coran, il y a beaucoup de Coran, il y a beaucoup d'ibadat. La famille, tu la vois tous les jours. À part si tu es en voyage ou ailleurs. Tout ça, c'est des paroles qui n'ont pas de preuve à l'appui. Pas du tout. Des fausses idées que les musulmans sont mis en tête et qu'il faut délaisser. Ne pas se dire, c'est l'Eid aujourd'hui, obligé, il faut que j'aille visiter ma mère, ou mon père, ou mon cousin, ou mon oncle, ou ma tante. Parce que c'est l'Eid en soi. Elle dit là, Adama Afi, ou que ta famille, si tu ne viens pas les voir, ils ne sont pas contents. C'est l'Eid, tu n'es pas venu nous voir. Tu visites les gens, tes proches, à n'importe quel moment. Pas même? Donc voilà. Donc, bihaza naktafi, nas'alallah niyafa'a bima kulna, wa ma sami'ana, wa ma qara'na, wa najala zalika, fi mizan hasanat shaykhina, Muhammad ibn Hizam, hafzallahu ta'ala. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.